Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Je mets toujours un petit truc sonore. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchy en compagnie de Martin Boily. Salut Frédéric! Salut Martin! Simon Rousseau. Salut Martin. Salut Frédéric. Salut. Salut. Et Mathieu Bouillon. Il fallait que tu fasses une petite voix. Ouais, un peu plus. Ouais. On parlait de ça. Moi, j'aimais ça. J'ai bien aimé ton interprétation. Ouais. Ça, c'est Pérusse. Oui. Pérusse. Oui, oui, je le reconnais. On s'est rappelé des bons souvenirs. Mmh. Merci, on est Mathieu. Les quatre ensemble. Oui! Les quatre originales. Oui! Du cast original. Oui. De la cinquième mouture. Oui, voilà. Bienvenue à Pas de problème, la balado-diffusion où quatre experts en rien s'improvisent experts en tout. Le temps de trouver des solutions à votre problème, à moins que votre problème soit comment trouver le 200e épisode de Pas de problème. Alors, vous nous envoyez des problèmes... Mais pourquoi il est en ligne, le 200e épisode? Il semble-t-il qu'on n'est pas capable de le trouver. Mais voyons donc. Perdu dans les internets. Il est dans la voûte. On peut juste le trouver dans le deep web. Le deep web. Oh. Moi, je me suis fait deep webber la semaine passée. Ah ouais? Non. Alors... Dans le neat web. Le neat web. Alors, hey! Pas de problème. Vous nous envoyez un problème. On offre des solutions. Et cette semaine, c'est un problème de Lily qu'on a reçu par pas de problème. Excusez-moi, j'ai donné un coup sur la table. Oh. Pas de problème @gmail.com. Hein? Faites comme Lily. Envoyez-nous vos problèmes ou ceux des autres. Et Lily, son problème, je vous le lis, messieurs. Que dit-elle? Elle nous dit. Lily. Salut, pas de problème. Comment subtilement convaincre quelqu'un que notre idée est son idée? Le tout sans utiliser de laser ou de butt plug et hot sauce. Problème épineux, s'il en est un. Merci et bonne journée, Lily! Mais ça, c'est drôle, hein, parce qu'elle elle jumelle deux époques de notre podcast, c'est-à-dire les lasers et le butt plug, la sauce. Il y a eu une époque où le laser était la solution à tout? Non, mais c'était préféré par Antoine. Ouais. Il essayait beaucoup le laser. Okay. C'était sa gimmick technologique. Mais là, Lily, tu viens de nous désarmer parce qu'on avait une solution qui était servie sur un plateau d'argent. Attends, avec la butt plug. Subtilement convaincre quelqu'un. Ben, écoute. Oui, OK. Tu vas dire que... Non, mais il doit avoir... C'est un autre problème. Comment subtilement mettre le butt plug avec de la hot sauce dans l'anus de quelqu'un? C'est peut-être. Peut-être. Hey, on n'a pas gossé longtemps avant d'exposer le problème. D'habitude, on perd un bon 10 minutes. Ben, la toune de ma petite Scandinave a quand même pris un précieux 30 secondes. Ouais. Surtout que je l'ai remixé au montage. La version 8 minutes. Oui, la version 8 minutes. Tu fais bien de te prendre une note. Note à toi-même. Tu vas l'oublier. Exact. Ça ne sera jamais réalisé. Ah, non. Quand ma petite Scandinave m'a dit... Un peu de bave m'a dit... Ça voulait dire, voudrais-tu m'aider à monter ma chaise? Quand ma petite Scandinave. Mais oui, dans quel contexte est-ce qu'on peut avoir besoin, tu sais, de faire passer sa propre idée pour l'idée d'un autre? Mais moi, je pense que c'est une bonne stratégie quand tu veux faire valoir ton point sans avoir à te battre. Ouais. Mais là, c'est clairement, elle nous demande le Jedi Mind Trick, là. T'sais, comme, effectivement, ouais, c'est de la manipulation, là, on va pas se le cacher. Oui, mais mettons, ça peut te servir dans une situation comme par exemple, là, hypothétique, si tu veux aller manger dans un restaurant, je sais pas, puis que tu dis à ton amoureux, hey, on va-tu manger au chasse et pêche? Il fait, ben oui, mais c'est bien trop cher. Ben non, mais c'est toi qui voulais aller manger là la semaine passée, tu voulais absolument aller manger. Ah oui, c'est vrai, ouais. Allons-y. C'est sûr que c'est plus facile de convaincre l'autre quand c'est l'autre qui a amené l'idée en premier. Mais s'il y a moindrement une bonne mémoire, t'as pas l'impression qu'il va dire... j'ai jamais dit ça. C'est pourquoi il faut aider Lily en trouvant des solutions. OK. Parce que, oui, l'effet, je pense pas que c'est une bonne solution, le truc Bart Simpson de tu sais, quand mon poisson rouge est mort, puis t'essayes de me faire croire que j'avais jamais eu de poisson rouge. Ouais, mais pourquoi j'avais le bocal, Bart? Pourquoi j'avais le bocal? Très bon, très bon. Ça marche pas, parce que si l'autre est moindrement futé, ça marchera pas. Et... Oui. J'ai trouvé sur les interwebs quelques trucs de gens qui se laissent aller par rapport à ça, dont prendre la posture de la personne à qui on parle. Mm-hmm. Et cette personne-là va penser qu'on est plus amical. Donc si, pour toi, c'est si... physiquement. Là. Physiquement, je vais m'installer comme toi. Oui, si tu imites la posture un peu, ben, sans le savoir, la personne va faire, inconsciemment, va faire « cette personne-là m'a l'air sympathique ». Donc, body language, donc, ça se joue là. Okay. C'est une très bonne idée, ça, Mathieu. Ça, c'est... Oui, j'ai une bonne idée, le body language. Hein? Oui, je suis content de cette idée-là. Puis il y a aussi, il paraît que si tu hoches de la tête pendant que tu parles à quelqu'un, puis tu fais « je pense que... » et aussi dans la façon de dire les choses, « je pense que tu avais raison quand tu pensais que telle affaire » et tu lis, tu rappelles à l'autre quelque chose qu'elle a peut-être jamais dit, mais tu hoches la tête, l'autre personne va peut-être te... Je le fais, puis il y a du monde qui me suit ici. C'est comme un bâillement. Moi, je suis d'accord. Ouais. Mais je pense que ça se joue beaucoup dans des espèces de marqueurs de relation, de début de phrase. Tu sais, mettons, j'avoue là, qu'en publicité, c'est des situations qui nous sont communes. Tu sais, mettons, pour faire suite à ton idée, tu sais, ou tu sais, comme tu le mentionnais plus tôt, tu sais, il y a vraiment genre des phrases toutes faites là, qui peuvent permettre cette stratégie-là. Là. Mm. Ou aller chercher une approbation après avoir vécu une expérience qui a peut-être été mitigée, mais faire comme, je dis n'importe quoi, là, pour reprendre l'idée du restaurant, on va manger quelque part, puis finalement, tu trouvais ça bon, tu trouvais ça agréable, la personne fait oui, c'était le fun, et après tu peux revenir avec l'argument, on pourrait aller à telle place, tu te rappelles comme t'avais aimé comme ça, tu m'avais dit que c'était si bon la dernière fois. De faire là, ton setup. Tu fais ton setup, moi je t'installe ça subtilement, puis après je suis capable de revenir avec toi, puis faire, tu m'avais donné une critique sans savoir peut-être que tu m'avais donné une critique. Ouais. Puis peut-être c'était, si tu le sais, le c'était vraiment d'avance, là, d'y aller une semaine d'avance. Ouais. Oui, même 6 mois d'avance. Ouais. Quitte à enregistrer lorsque. Ouais, ça, c'est intense un peu, mais oui. Tu t'en souviens pas? J'aime le restaurant. Avec cette voix. Ouais, c'est bon. Oui. Mm. Sinon, la solution qu'on nous a appris dans tous les bons cartoons et émissions pour enfants, qui est la technique du changer d'idée pendant l'ostinade. Pour que l'autre change d'idée lui aussi. Oh, oui. Je vous fais un exemple tout de suite avec Mathieu. Ouais. Donc, Mathieu, tu vas dire oui et moi, je vais dire non. Parfait. Alors, Mathieu, on va pas au, on va pas au parc. Oui, on y va. Non. Oui. Non. Oui. Oui, on y va. Non, on va pas au parc. Parfait. Voilà la technique à marcher. Ouais, c'est pas une pierre à feu ou quelque chose de genre, ça. C'est la technique dessin animé. Ouais. Ou ouais, excuse-moi, j'ai marqué un bout. Que j'appelle affectueusement la technique de répétition, ouais. Qui essaye, là, par un subterfuge très habile, de dérouter son interlocuteur. Oh, oui. J'essaie des fois avec mon gars. Ça marche pas tout le temps. Non? C'est un peu de la psychologie inversée aussi. Oui, forcément. Moi, j'essaierai encore dans un contexte de faire approuver quelque chose, de faire vivre l'expérience une première fois, mais avec une grande valeur ajoutée. Genre, moi, disons, j'aimerais ça que ma copine aime jouer à un certain jeu de société avec moi. Mais la première fois qu'on va le jouer, on va servir du champagne avec ça, des mariachis, des huîtres. L'expérience va être extraordinaire. Fait que ce qu'elle va aimer, c'est pas tant le jeu que la soirée. Et par la suite, quand je vais lui demander dryment de jouer à Stratego, elle va faire, tu te rappelles comment on avait eu du fun la dernière fois qu'on avait joué à Stratego? Mais non, c'est elle qui va te demander, est-ce qu'on peut jouer à Stratego? Puis là, tu vas faire, Bien sûr. Pas de problème. Puis là, on va jouer... Bad. Il n'y aura plus rien, mais au moins, on va avoir enregistré fois qu'on l'a fait. Faut peut-être que tu le fasses 2 fois. Mais moi, dans mon idée, c'est pas elle qui le propose. Dans mon idée, c'est moi qui... On l'a fait une première fois malade. Non, mais le but, c'est que... l'artifice mariachi. C'est que son idée devienne ton idée, tu sais. Le contraire. Ouais, c'est ça. Non, qu'elle finisse par dire « Hey, j'ai envie de jouer à Stratego. » Puis tu fasses « Mais oui, c'est parfait. Tu sais, c'est ton idée. » Alors que c'est toi qui as subliminalement... Donner le goût J'avoue que pour créer le réflexe... C'est encore mieux, ouais, ça. Pavlovien, là, t'as peut-être oui, besoin c'est d'un, deux, trois fois. De créer mettons. Des souvenirs sensoriels agréables liés oui. à l'expérience. Mmh. C'est ça. Donc, c'est vrai. Tu fais 3, 4, 5 fois, même tant que ça le prend, stratégo, valeur plus, pour qu'à un moment donné, ça devienne quelque chose qu'elle ait le goût de faire, même si, dans le fond, ce qu'elle apprécie, c'est pas nécessairement... Le, si on veut, le fond du truc, mais bien tout l'entourage. Mais ça, c'est pour une activité ouais. ou une action. C'est ça je m'en allais dire. C'est bon pour une action, mais si tu essaies de faire avaler à ta blonde que tu veux, je sais pas, acheter une nouvelle maison, même si elle est très attachée à cette maison-là, tu sais, comment lui faire entrer dans la tête que c'est son idée d'acheter une nouvelle maison? Il y a peut-être comme si la personne dit comme un détail dans l'idée, tu sais, mais d'y accorder comme une importance exacerbée. Mettons le, ton exemple, je veux qu'on s'achète une nouvelle maison. Puis là, un moment donné, ta blonde a dit, ouais, tu sais, puis on pourrait peut-être avoir des fenêtres fin place. Là. Oui, tu sais, on va avoir une nouvelle maison avec des fenêtres fin place. Ouais. Comme en c'est... faire là, quelque chose. Oui, de, tu de, construis de... la maison autour des fenêtres fin place. De oui. son point. Là, la ouais, piscine genre, creusée ne va pas aller avec la propriété que tu as là, mais va aller avec la prochaine. Oui, oui exactement. Va... Ouais. Ouais, t'sais, ici, le terrain est trop petit, mais une piscine creusée, j'adore l'idée, tu sais. Avec une nouvelle maison, pour acheter une nouvelle maison, il n'y a rien là. Mais une piscine creusée! Complètement, ouais. Il y a toujours... Je vous relance avec des trucs que j'ai mis sur Internet. The foot in the door, il paraît. C'est-à-dire... Pied dans la porte. Oui. Non, c'est, je me mélange. Mais il y en a un où, si tu as déjà eu un service rendu par une personne, tu peux y demander un plus gros service par la suite. À ce qui paraît. Ah, genre, oui. Hey, je peux-tu aller voir un film chez vous ce soir? Oui, OK. Puis là, rendu là, hey, j'ai pas de place couchée, ça te dérange-tu? Boom, foot in the door. Ou le 50-50 qui est, je sais pas si c'est le même ça s'appelle, où tu demandes, hey, tu peux-tu me prêter 1000$? Non. Ben, écoute, je suis vraiment dans la merde, peux-tu me prêter 100$, tu sais? Et là, okay. Puis après, tu joues ça avec le foot in the door. Ouais. Mais, donc, il y a des petites des affaires à même. Puis il y en a un autre que j'ai viens de checker, c'est si tu touches quelqu'un, et là, c'est peut-être c'est pas vérifié, là, je vais juste lire sur Internet. Si tu touches quelqu'un, la personne va peut-être va répondre de trois façons. Soit elle va te regarder dans les yeux, va sourire. Soit elle va être peut-être... Brusquée. Ou juste déstabilisée. Mm-hmm. Ou si elle répond négativement, ben là, tu vois, tu peux te setter par rapport à sa réaction. Si tu touches la personne puis tu vois qu'elle est ouverte, ben là, c'est peut-être le temps de commencer à y proposer des idées. Mm-hmm. Mais s'il n'est pas ouverte à ça, peut-être sortir le champagne, tout sortir ça. Oui, un moment donné, ça aide. Je donne des outils là, pour non, qu'on non, puisse non, les non, utiliser. Mais oui, tout à fait. Ouais. Le subconscient, mes amis. Oui. Vous savez que le subconscient emmagasine absolument tout. Mm-hmm. Oui. Le subconscient, ça marche 24 heures sur 24 et on emmagasine tout. La psychanalyse là, travaille beaucoup autour de ça. Sur le fait comme quoi que dès depuis notre tendre enfance, sans le savoir, on emmagasine toutes les informations et nos comportements s'adaptent en fonction de ça. Fait que si tu as vraiment beaucoup de temps devant toi, t'sais, le but, c'est de prendre là, ta shot bien d'avance et de tranquillement parsemer ta vie, sa vie, en fait, la personne, de messages subliminaux. Tranquillement, mettons justement la maison, un enfant dans la rue qui dit « Oh, chouette, maman, nouvelle maison » pour qu'elle puisse enregistrer « Ah oui, les enfants dans une nouvelle maison » et tranquillement laisser mijoter toutes ces petites idées-là dans son subconscient. Peut-être enregistrer des films, le faire comme dans Fight Club, puis faire un petit montage avec des images de belles maisons, puis des images de gens heureux dans une nouvelle maison. Ouais. Pour faire gober son subconscient le plus possible. Et puis, quand tu vas arriver avec l'idée, on pourrait acheter une nouvelle maison. Tu te rappelles qu'est-ce que tu me parlais l'autre jour là, de nouvelle maison? Mais je t'ai jamais parlé de nouvelle maison, mais j'en rêve depuis tellement longtemps. J'en rêve la nuit sans savoir pourquoi. Ouais. Il y a plein de messages pas subtils qui m'entourent. C'est drôle, ouais. Mais chérie, je pense que je suis dans le Truman Show. Je sais pas pourquoi. Ou on peut le recréer en tournant autour du pot aussi, là. Par exemple, j'aimerais ça que ma blonde veulent aller voir un match de hockey, tu sais. On peut regarder du hockey, faire maudit que ça doit être le fun d'aller voir un match là-bas. Il me semble que ça doit être drôle, nanana. Regarde ça comme c'est cool. Peut-être qu'un moment donné, on va faire, hey, mais on pourrait y aller. Oh, oui, c'est ça. Oui. Oh oui, c'est accessible. C'est accessible. Mm. Bon, mais on pourrait le faire. Mm. Tu sais, pourquoi pas? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là, chérie? Tu veux dire qu'on pourrait aller s'acheter des billets? C'est vrai, c'est... Ah, wow! Pas fou! Ah oui, pas fou, pas en tout! Ouais. Bonne idée. Mais ça, c'est vraiment du idée. Inception. Là. C'est semer la graine de... Mais il y avait... Moi, j'avais vu une vidéo sur YouTube où je pense qu'il y avait des équipes publicitaires à qui ils faisaient faire le même trajet en taxi, puis qu'au bout, genre, de la run de taxi, il y avait le même mandat publicitaire à faire. Et à cause des choses qu'ils avaient vues dans Ride de taxi, ils arrivaient toutes aux mêmes idées. Fait que c'était comme toutes des stimuli, genre, ils voient, je sais pas, là, un laveur de vitre ou quelque chose de même. Fait que c'était vraiment... quasiment prouvé. Oui. Mais je suis conscient peut être à deux tranchants, là, parce que toi, tu peux y mettre une image que tu fais, ah, il va réagir positivement à ça, mais finalement, à cause de son passé, la personne... Ça crée d'autres choses. Ouais. Mais sur le subconscient, j'avais écouté un documentaire là-dessus. Mettons, j'ai l'impression que sur des images ou sur des trucs, 90% de la population va répondre de la même façon. Ah oui, OK. Oui, il y a en politique qui marche beaucoup comme ça. Puis pour faire le test... Il nous avait, je me rappelle du documentaire, il nous montrait deux politiciens en nous disant lequel pensez-vous qui a gagné, juste à l'image. Okay. Et là, tu fais tes choix et après ça, il nous montre et effectivement, 90% de mes choix s'étaient avérés bons. Wow. Tu fais, il y a comme un petit pourcentage qui est à l'erreur, qui est vraiment avec l'opinion des gens, ce que ces gens-là ont à dire, mais l'image, j'ai l'impression que le subconscient général, on a tous un peu... la même perception de c'est quoi un visage sympathique. Okay. Mm-hmm. On a tout un peu la même perception d'un visage sage honnête, intelligent. C'est la fameuse campagne Nixon-Kennedy de 1960 avec le premier débat télévisé qui aurait, le débat télévisé aurait eu un impact gigantesque. Le maquillage aurait eu un impact. Parce que Nixon ne voulait pas se faire maquiller. Okay. Et sa barbe et sa sueur transparaissaient beaucoup plus. Ah ouais, ouais. Fait qu'il avait l'air moins... Il y avait un luisant, puis Oui. Ah, c'est drôle. Mais Lily, l'auto-pogame. Là, tu sais, des fois dans la vie, on fait « Ah, t'es pas game de faire ça », puis là, tu fais « Hey, je suis pas game de faire ça, je sais pas. » Puis là, tu pousses l'autre personne à te convaincre de faire l'affaire que tu veux faire. Bon, ça dépend des situations, là, c'est sûr. Je suis pas game de jouer à Stratego. Je suis pas game. Mais, tu sais, partir une semaine. On m'a demandé de partir une semaine en voyage. Je sais pas. Je suis pas game. Là, je sais. Ben oui, ouais, t'es game. Ça va être le fun. C'est... Mais je peux pas me le permettre. C'est... Non, c'est... Ah ouais. C'est bon, on ne vit qu'une fois. Ouais. C'est bon. Yo, là, yo. Je vais pas y aller tout seul en voyage. Mais j'ai l'électoire. Ah ouais. Ah, écoute, faut que j'y pense. Non, viens-t'en. On vient en voyage. Ah, c'est drôle, ça. C'est rough. Ouais. Là, t'es devenu la personne qui parle toujours comme ça. Moi, je pense que tu peux pas le surutiliser, le topo game. Non, mais effectivement, ça pourrait être furieusement efficace. Pour une fois. Ouais. Mm. Je pense que j'aurais écouté ce podcast-là une couple de fois. Pour essayer. Non, mais pour m'aider. Oui, hein? Oui. Les messages pendant le sommeil, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai une petite recherche là-dessus. Ah oui? Oui. Okay. Sur les messages subliminaux. Mmh. En fait, on en a parlé un peu tantôt. T'as plus fait de recherche sur le doigt dans l'eau. Le doigt dans l'eau, et ça marche à tout coup. 100% du coup, vous pissez dans vos... Effectivement, par message subliminal, on pense à technique de disque enregistré à l'envers. Justement, message... ce que je lis là-dessus, c'est que... mes petites recherches m'ont amené au fait qu'il n'y a rien qui a été prouvé comme quoi ça fonctionnait. Okay. Comme quoi les messages dans le sommeil ou le message, surtout les disques à l'envers. Mais Satan, il a arrêté d'investir là-dedans en 83. Oui, fait qu'il a arrêté. C'est... Non, mais il nous disait, après entre autres... Is dead. Il s'est fait shifter par les cassettes et les disques compacts. Ouais. C'est ça qui s'est passé. C'était très populaire dans les années 70. Là, on se disait, hey, le Satan envoie des messages au travers des disques. Mais effectivement, semble-t-il que quand on écoute un disque à l'endroit, notre cerveau n'est pas capable de faire l'inversion à cause des consonnes. À cause, comme l'exemple qu'on écrit, c'est vraiment l'exemple un T. Tu sais, mettons la consonne T. Ouais. On va dire T, mais en anglais, à l'envers, ça va vraiment faire comme une aspiration. En fait, ouais. Fait que c'est juste t'es. Ça, ton cerveau n'est pas capable de comprendre la phrase. Ouais. Hein, il n'est pas capable de la revirer de bord, ouais. Lui, à cause des consonnes. Ouais. J'avais appris, moi, des phrases à l'envers pour pseudo-radio. Ah oui? Oui, c'est oui, la deuxième fois dans un podcast, Fred, que tu nous racontes fois. Ça. Bon, ben j'arrête. Mais tu peux-tu la faire vite? Woodardus Pedrulus. Bienvenue à Pseudo-Radio. Non, c'est l'heure de Pseudo-Radio. C'est l'heure de Pseudo-Radio. Aux embrossants, nous, ça nous va. À vous, monsieur l'annonceur maison. Oh, quand même. Mais je me rappelle que... Mais sinon, pour le sommeil, t'as-tu cherché et de et pour l'affaire? Le sommeil, même chose encore. Il n'y a rien qui a été prouvé comme quoi ça fonctionnait, comme quoi les gens enregistraient des trucs. C'est plus des mythes. Que d'autres choses. Ouais. Mm-hmm. C'est très sitcom aussi, là. C'est Chandler, puis ah, oui. Dr. Marvin Monroe. Là, ben, des gens vont penser que leur subconscient va être interpellé par ça, alors que... Mais écoutez des textes, là. Ouais. L'avez-vous déjà fait, essayer d'écouter des textes pour apprendre des textes? Moi, c'est ma meilleure manière. Pour vrai? Oui. En j'écoute... dormant, ça? Ou... Non, pas en dormant. En moi, détente, souvent, quand j'apprends des textes, je m'enregistre. Ouais. J'enregistre deux versions. Une version où je me donne la réplique, une version où je la dis. Oui. Et je répète en même temps que moi. Moi, il n'y a rien pour apprendre un texte comme de l'entendre. Ça te gosse pas d'avoir des petits blancs qui font... ben, à longue, oui, mais tu sais, développer ma technique. Jamais être capable de rentrer ton texte dans le bon blanc. Ouais. C'est dans, en char. T'écoutes ça en char, t'écoutes ça dans tes... Mais cela dit, on a déjà un podcast sur comment bien apprendre un texte. Ah oui. Et mes recherches m'ont amené au battement binaural. What is that? Messieurs, je vous surprends tous. Là. Je ne connais pas. Binaural ici. C'est un cerveau... C'est un phénomène assez particulier que le cerveau produit. Mmh. Comme quoi, lorsqu'on fait entendre à deux oreilles séparées deux sons en bas de 1000 Hz et avec une différence de 40 Hz maximum. Okay. Donc, admettons, on met un son dans une oreille à 980 Hz et dans l'autre oreille à 940 Hz. Là, pour ceux qui sont pas familiers avec les Hz, là, on parle de basse fréquence, mais pas trop bas. Okay. C'est pas très, très bas. Genre. Même un peu plus haut que ça. Ça ressemble plus à ça. I will kill you. Deux sons en bas de 1000 Hz, mais avec 40 Hz de différence. Si on les fait entendre dans les deux oreilles séparées, le cerveau va les mixer en émettant un battement. Okay. Ça veut dire que tu vas entendre automatiquement un battement qui va te faire comme 4 petits battements par seconde. Et ces battements-là, semble-t-il, aurait vraiment un effet sur les ondes cérébrales. Ah. Oui, il y a encore des études qui sont là-dessus, mais on prétend que ces battements-là auraient une influence sur la santé, sur la relaxation, sur le stress. Donc, si t'es très habile, Batman, tu te prends à deux personnes pour parler à la personne à qui tu veux. Oui, mais attends, peut-être que tu vas aider à régénérer son foie, mais ça veut pas dire que ça va l'aider à avoir une idée. On parle de faire des tests. La science te donne une fenêtre. Okay. À toi de faire tes propres tests. Oui, c'est Lily. Nous, on pitch des affaires dans toutes les directions. Oui, oui, oui. Fait que si là, tu te prends deux personnes, là, tu te prends chacun de chaque oreille. C'est à Lily de pas le faire. Tu donnes une moitié d'idée sur une fréquence en bas de 1000 Hz et l'autre idée avec une différence de 40 Hz, mais les idées, le cerveau va mixer ces idées-là et peut-être là, va s'en rendre. C'est peut-être mieux de t'enregistrer, mixer ça gauche-droite, vraiment t'assurer de l'affaire, puis mettre ça genre dans un mix CD que tu lui donnes. Ouais, eh ben oui. Et là. Boom! Mm. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de faire un mixtape avec des chansons qui sont porteuses du message qu'on a le goût de faire passer? Ben oui, des lignes thématiques. Mais sans que ça paraisse trop, là. Tu sais, comme, mais trouver comme un lien entre plein de chansons et peut-être que en les écoutant à répétition. Ça pourrait, ça pourrait nous inspirer. C'est sûr. Si tu veux, mettons, je sais pas, tu veux acheter un bateau, tu lui fais entendre « Ce n'était que vous m'avez monté un beau grand bateau. » Il était un petit navire. « Crying Over You ». »« The Love Boat ».« Rio » de Duran Duran. « Rio » de Duran se passait sur un bateau. Sur un beau yacht, tu lui donnes ça avant qu'elle aille faire un voyage là, pour Tokyo, là, un 12 heures de vol. Mm-hmm. Et quand elle revient, tu lui dis « Hey, j'aurais le goût d'un nouveau moyen de transport, mais je sais pas lequel. » Pourquoi pas un bateau? Un bateau. Je suis pas game, un bateau. Tu sais, pourquoi un bateau? Ouais, bonne idée. Ben oui, un bateau, c'est super romantique. Tu sais, il paraît que, je sais pas qui me contait ça, mais il y avait un petit navire à quelque part qui avait jamais navigué. Navigué. Puis. Pourquoi pas un bateau? Toc, toc, toc, toc. Les quatre battements. Ouais. Ça a marché. Quatre battements marché. Par seconde. Oh! Par seconde. C'était un peu ça. Mais moi, je serais curieux de le faire, le test, là, de vraiment pouvoir faire ces deux sons-là, entendre ce 10 battements qui est. Ça doit être étrange. Est-ce qu'il faut être vraiment à 40 Hz exactement différent? C'est sûr que tu les entends pas, ces sons-là, Simon. Ben, moi, les basses, ça va, c'est les sons très aigus, j'ai la misère. Il faut qu'il y ait une différence de maximum 40 Hz. Entre les deux fréquences, il faut que ça soit en bas de 1000-1500 Hz. Je pense qu'on a la recette complète. On va la mettre sur le site. Oui. Mais est-ce qu'on serait capable de la produire vite-vite avec des iPhones? Vite-vite avec des iPhones, j'en doute. Mais en fait, c'est qu'on ne serait pas capable de c'est le faire... une bonne application à rapidement, il faudrait le faire mono... pas mono, mais right et left. Ben oui. Séparé. Ouais. Tu peux pas faire tout ce podcast-là de même quand tu vas me l'envoyer? Je pourrais t'envoyer moi et Simon à gauche et Mathieu et Frédéric à droite. Ça ressemble à nos opinions politiques. Et sûrement que dans ce qu'on dit à m'amener, quand on parle en même temps, on va pogner ces deux fréquences. Ouais. Bon, OK. Oui. Mais moi, j'ai essayé rapidement tantôt juste de comparer, mais sur 40 Hz de différence, c'est dur de ça fonctionnait. C'est dur de percevoir à l'oreille nue là, la différence. Mais si on veut faire changer d'idée quelqu'un, il paraît que la meilleure façon, c'est de lui faire croire qu'elle n'a pas changé d'idée. Donc, tu sais, tu dis ton affaire. Mais non, on veut pas la faire changer d'idée, là. Non, mais peut-être que c'est ça, des fois, convaincre quelqu'un... Que son idée est la sienne, ouais. Ouais. Tu sais, de faire... Donc, ce que tu es en train de me dire, et là, tu rephrases pour que... Ça soit ton affaire. Ben, c'est ça, on dit la même chose, donc... Et là, t'es plus son ami. Ouais. Non, mais il y a la fameuse phrase. Ouais. Dans le fond, on dit la même affaire. Qui souvent est envoyée à tort et à travers. Là, ouais. Dans le fond, on dit la même chose. Ouais. Dans le fond, on dit la même affaire. La même affaire. Tu sais, il y a une autre, une autre relation, mettons, dans laquelle ça peut être utile, c'est la relation patron-employé. Tu sais, mettons, tu veux faire prendre une décision à ton patron qui t'avantage toi, tu sais. Est-ce que c'est, mettons, une promotion ou, tu sais, je vais mettre Martin sur ce dossier-là, tu sais. Ça, là, est-ce qu'il y a comme des trucs pour, tu sais, convaincre un patron que son idée, c'est la sienne, tu sais? Il réexpliquait ton projet avec une bouteille de champagne. comme la soirée Stratego. C'est mariachi. C'est mariachi. On n'est plus dans un contexte de travail. Puis là, on reparle du projet. Puis on fait... Exact. Il me semble que... Mais il y a beaucoup... Pire, oui, c'est ça. Ça revient beaucoup à travailler la relation qu'on a avec la personne. Il faut... Tu sais, veux pas, là, pour pas faire un parallèle avec... des activités sexuelles, mais tu sais, de bien préparer la le chose. Terrain, oui, préparer oui. Le terrain, puis faire. Si ton boss, ben, il faut que tu le mettes de ton côté. Et là, c'est peut-être un autre problème en soi, c'est comment mettre quelqu'un favorable à soi, tu sais, puis. Ouais, c'est mais c'est nous, comme on a à côté, une twist de plus, en fait. On a vraiment la twist de trouver comment faire que la personne que s'approprie oui, c'est ça. L'idée. Mais je pense qu'une des pistes serait d'avoir la personne favorable à soi-même. C'est mais ça. Il paraît que dans un groupe, si, tu sais, mettons qu'on fait « Hey, on va manger où à midi? » Puis là, tout le monde dit des affaires. Si tu es le seul à répéter ton affaire, tu sais, si quelqu'un répète une chose deux fois, ben il paraît que le groupe va embarquer. Okay. Même si c'est la même personne parce qui parce que tu insistes. Mais ou parce que, tu sais, il n'y a personne d'autre qui insiste. Ouais. Il y a peut-être de ça. Donc, on va au tu gardes ton boss dans un groupe. Ouais. Et tu répètes. Tu répètes deux fois. C'est ça. Ah, c'est pas fou. J'allais dire aussi peut-être utiliser un tiers parti. Tu sais, mettons, là, tu veux convaincre ta blonde d'acheter une maison, tu sais, puis que son idole à ta blonde, c'est, je sais pas, c'est Lionel Richie. C'est Lionel Richie. Ouais. Fait que là, tu t'arranges pour trouver, genre, une entrevue de Lionel Richie qui dit, tu sais, quand j'ai acheté ma nouvelle maison, ça a tout changé dans ma vie, ça a été positif. Ça a été mon meilleur move en carrière. C'est une nouvelle maison. Ou bien, ma source d'inspiration pour tout ce que je fais. Ouais. Il appelle chez vous, puis il fait « Hello, you need a new home. Bye! » Oui. Mais c'est à double tranchant. C'est ça que je me dis depuis tantôt, c'est à double tranchant des fois, parce que, justement, mettons, l'exemple qui me vient tout de suite, c'est que, tu sais, quand on a une bonne joke, des fois, là, on dit une bonne joke, et là, quand, un mois plus tard, tu entends quelqu'un dire ta joke, et tu dis « Hey, mais c'est ma joke! » Non, c'est ma joke. Non, c'est pas ta joke, c'est la joke à JF. Hey, non, c'est moi qui... Là, t'es obligé de défendre ton point, puis t'as toujours l'air un peu cave à faire... Tu peux pas brander une joke. On est obligé de laisser ça aller à l'univers. Ou quelqu'un qui s'approprie l'anecdote, admettons. Comme moi, là, la fois que j'ai donné un prix à Michel Penny dans un gala. Oui. Ouais. Qui est devenu volé. Un subplot de Tout sur moi. Oui, exact. Non, mais tu sais... C'est pas à moi que c'est arrivé. Pour vrai, mais combien de personnes se sont appropriées cette anecdote-là en disant « Non, c'est arrivé à l'ami de mon ami. » C'était moi. Non, mais l'affaire, c'est pas de s'approprier d'une joke. C'est plus de voir que quelqu'un d'autre s'en approprie. Je pense que c'est là que vient la petite douleur. C'est sûr. Ouais, aussi, ça... Ouais, ça fait ça dans vos oreilles aussi. Mais je sais pas c'est qui chipé, mais je suis sûr que ça vient de proche de nous autres. C'est toi? Je vous jure. Je pensais que c'était Antoine. De quoi ça? Chipé. Dire chipé pour que quand quelqu'un... Oh, OK, on avait des problèmes d'écoute. D'écoute. Maintenant, c'est réglé. C'est réglé. Grâce à la manipulation d'un fil. Bon, ben là, pas de problème. Brand... officiellement que Frédéric Barbouchi est l'inventeur du terme « chippé ». J'étais à Ground Zero. Je sais où ça a parti et comment ça a fait. Je l'ai déjà dit. J'ai-tu déjà dit dans le podcast? La première fois que je l'ai entendu, c'est au Manitoba, à Saint-Boniface, en jouant au baby-foot. Je vous explique. Rapidement, aux auditeurs, chippé, c'est un terme qui est utilisé par plein de monde maintenant pour dire « je pompette, je suis fatigué. » Quelque chose est brisé aussi. Il manque un petit bout. Non, mais j'ai pas inventé le mot chippé. Non, mais t'as inventé l'utilisation de « quand j'ai trop bu, je dis « je suis chippé ». Un peu chippé. Et on était à un tournoi d'impro à Granby, le tournoi de la Coupe imaginaire avec la Ligue UQAM. Et on est allé au bar Le White House, je crois que ça s'appelait. Puis il y avait des très, très, très gros bocs. Et Guillaume Célonné dire « Hey, ce boc-là, si je le laisse tomber par terre, il ne cassera pas. » Et là, j'ai dit « Ben, il va au moins chipper. » On a ri une bonne shot. Suzanne Langlois était là. Okay. Et ensuite de ça, on commençait à dire « chipper, chipper. » Et là, Louis-Martin Gay, qui est un propagateur. Lui, il parle juste en expression. Ouais. Et là, il a commencé à dire chipper toute la fin de semaine. Antoine est embarqué. Edith est embarqué. Alors... OK, mais toi, t'as amené le terme chipper dans le groupe, chipper. Mais c'est pas toi qui l'as nécessairement associé à l'abus d'alcool. Ben là, à ce soir-là, je commence à être chippé. Là, officiellement, là, c'est peut-être pas moi qui l'a dit là. Non, OK, mais c'est ça, là. J'étais à la source. Oui, t'es à la source de propager le terme, mais c'est pas toi nécessairement qui va être la première association alcool-chipage. C'est peut-être moi. C'est peut-être toi. Mais là-dessus, je laisse le bénéfice du doute. On ne le saura jamais. Mais bref, à partir de là, chippé, et c'était surutilisé, là, je vais te dire. C'était... Tout le monde était chippé, chipaillé. C'est plus rare maintenant. Et il y a eu la consécration, je pense, d'un quatre coins à Radio-Canada. Il y a Zumba qui avait utilisé chippé dans un... Toute une consécration. Oui. Il y a aussi, je pense, Chip et Dale aussi. Chip là, and Dale, rongeurs du risque ont changé leur nom finalement là, pour Chip et Dale. Non. Mais ça a l'air que des chips aussi, ça s'appelait des croustilles avant de... avant cet événement. Maintenant, c'est des party chips. On a fait une belle digression. Là. Est-ce qu'on en est rendu à notre solution préférée? Je pense que oui. Oui. S'il en est une. OK. Bon, alors moi, je vais me lancer avec la solution du autopogame. Hein, c'est bon, ça. J'aime ça, bien. L'autopogame. Je sens que c'est très limité. On ne pourra pas renouveler ça tant que ça, mais une fois de temps en temps, stratégiquement, je pense que ça peut fonctionner. Autopogame. Autopogame. Moi, j'irais du côté de l'Inception, parce qu'à la limite, là, si tu sèmes un peu des messages subliminaux, la personne peut voir ça un peu comme des signes du destin, quelque chose de plus grand qui la pousse vers une décision. Là, si tu as le temps, moi, j'aime ça où c'était faire son setup à l'avance, là, créer des bons souvenirs par rapport à la chose. Ouais. Mais si tu es sur le moment, là, il faut tester les eaux en regardant si la personne est ouverte. Tout à fait. Est-ce que ça va être les ondes, les hertz? Les ondes, les hertz? Non, moi, j'aime bien l'idée, mais je partir de ton idée, Simon, pour en faire une meilleure. OK, parfait. C'est vraiment de y aller par le jeu de société. Justement, première journée de jeu de société, Stratego, Champagne, Mariachi, Piñata, Tacos. Deuxième journée, Battleship, Piñata, Tacos. Et là, le jeu que tu auras envie qu'il soit pas très bon, que tu dis, elle n'aimera peut-être pas ce jeu-là. Là. Mettons, tu vas avec un jeu un peu plus obscur. Là. Mm-hmm. Tu vas avec un Sentinel of the Multiverse, là, un jeu un peu plus geek. C'est meilleur pourtant. Puis tu sais, quand tu mets ça à table en disant, ça, c'est un autre jeu de société que j'ai, puis elle fait, hey, on pourrait jouer à ce jeu de société-là. Ben oui. Tu sais. Et là, pas de champagne, pas de mariachi, parce que ça t'a déjà coûté trop cher. Ouais. Elle est déjà Pavlovie. Ouais, c'est vraiment le... C'est combien de fois pour Pavlov? J'ai aucune idée. C'est pas plusieurs fois. Ça dépend, ça doit pas être la même chose pour n'importe qui. Dépend du canin. Dépend de la sorte de chien, c'est ça. Ça dépend du repos aussi que tu lui donnes. Ouais. Mais en même temps, Amnesty International nous a dit que si tu fesses assez longtemps sur quelqu'un, tu peux y faire dire n'importe quoi. Oui, la nouvelle campagne de pub. Ouais, voilà. Dont j'aime pas la direction artistique. Le fond du message qu'on n'a pas, intéressant. La torture, on l'a pas encore effleurée. On n'a pas parlé de torture. Simulation génitale, hein? Oui! Une bonne pipe, là! Oui, ce qui était ma gimmick technologique. Une bonne pipe, t'arrêtes à mi-chemin en disant, juste sur le point de la limite de non-retour, là, t'arrêtes là en disant... Stratégo. nouvelle maison. C'est ce que je continue. Bonne ton idée. Très bon. Des fenêtres fan place, Des fenêtres fan place. Ça, c'est drôle. Bon, ben là-dessus, si vous avez des solutions, écrivez-nous. Et surtout, on veut vos problèmes. On en veut, là. Ouais. Hein? Passez le mot. Oui. Il n'y avait pas de solution Twitter ou quelque chose comme ça? J'ai oublié de te poster un truc sur Twitter. C'est pas grave. C'est une tribune qui est morte. Mais la semaine prochaine, ce sera le premier podcast aller-retour. Oh! Oui, j'essaie ça. On va faire un aller-retour avec les gars de Trois-Bières. Donc, j'irai faire du Trois-Bières et Trois-Bières tenteront de résoudre un problème. Le problème de J.S. Chapelot. Un gars d'un autre podcast. Bon. Donc, voilà, soyez à l'écoute. Ça pourrait être drôle aussi de complètement swapper d'émission. Ouais, parce que nous, on pourrait faire ça aussi, Trois-Bières. On pourrait faire un épisode de Trois-Bières, puis ils font un épisode de pas de problème. Oui, absolument. Mais là, on essayait le crossover. On pourrait faire le swapper. Ouais. OK. Ouais. Un jour, il y aura le spin-off. On pourrait faire aussi ça avec Soirée de filles, là, le podcast de... Moi, je suis intéressé de faire celui-là. C'est qui, Soirée de filles? C'est qui fait ça? C'est pas Soirée de filles, c'est quoi le nom, Fred, du podcast? Ouais, c'est ça. C'est Soirée de filles? Oui, oui. C'est-tu des filles qu'on sait c'est qui? Ben, il y a Gabriel de Trois-Bières. Ah, oui, OK. Mais il y en a d'autres, là. Je vous avoue qu'il y en a beaucoup. Hein? D'ailleurs, si vous voulez écouter des podcasts ou voir des web-télé, ben allez sur rzoweb.com. Oui, la grosse voix l'a dit au début de l'émission. Oui, RZO. Et y a-tu d'autres choses à dire? C'est souper de filles, pardon. Souper de filles. Filles. Ben, pas vraiment, non. Mais moi, j'ai des plugs. Toi, t'as des plugs, oui. Oui, plugs. Je joue dans Catnip les vendredis et samedis à l'Apollon. Allez voir ça. Sans texte et contexte, dans le cadre du ZooFest, les 15, 16 juillet et les 1er 2 août, une heure d'impro à 21h au Cléopâtre. Et c'est une heure d'impro sans parole avec Réal Bossé, Antoine Vézina, Éric Marcoux, Frédéric Forget, intéressant. Éric Deranleau. Voilà! Yes! Et n'oubliez pas d'aller voter pour nous sur iTunes ou sur Balado Québec. Visitez le site RZO hein, pour ceux qui nous écoutent, là, qui sont pas là encore. C'est super le fun. C'est vrai que le c'est une belle plateforme. Fait. Et ça permet aussi d'écouter les podcasts directement sur votre mobile ou sur votre ordinateur sans nécessairement avoir à les télécharger. C'est vrai. Moi, j'adore ça, cette formule-là. Ouais. Et donc, votez pour nous, qu'on reste encore sur Balado Québec. Vous faites un travail extraordinaire. Chaque fois que j'y vais, on est numéro un. Chaque podcast qui sort à chaque semaine, on est les plus téléchargés. Ouais. Donc, lâchez-nous pas là-dessus. Moi, j'ai toujours une petite fierté quand c'est je vois ça. C'est pas grâce à toi, Martin. Ben, c'est un peu grâce, c'est un peu grâce à mes solutions. Voyons, j'ai oublié le mot déjà. Grâce à mes idées comme le... Oui, mais la fois que tu as voté... Là, puis... Ah ça, non, ça c'est pas à cause de moi. Le battement binaural, là, c'est ces infos-là qui font que le monde y revienne. Mathieu, complètement. Le mot de la fin. Vous avez un problème? Nous avons un podcast.